Le Lion, d'Auguste Barbier, enregistré pour LibriVox.org. J'ai vu pendant 3 jours, j'ai vu, plein de colère, bondir et rebondir le lion populaire sur le pavé sonnant de la grande cité. Je l'ai vu tout d'abord, une balle au côté, jetant à l'air ses crins et sa gueule vorace, tordre à double repli les muscles de sa face. J'ai vu son col s'enfler, son orbite rougir, ses grands ongles s'étendre et tout son corps rugir. Puis je l'ai vu s'abattre à travers la mêlée, la poudre et les boulets à l'ardente volée sur les marches du Louvre, et là, le poil en sang et ses larges poumons lui battant dans le flanc, la langue toute rouge et la gueule béante. Haletant, je l'ai vu de sa croupe géante, inondant le velours du trône culbuté, y vautrer tout du long sa fauve majesté. Alors j'ai vu soudain une foule sans nombre se traîner à plat ventre à l'abri de son ombre. J'ai vu, pâles encore du seul bruit de ses pas, 1000 nains grelottant lui tendre les 2 bras. Alors on caressa ses flancs et son oreille, on lui baisa le poil, on lui cria merveille, et chacun lui léchant les pieds dans son effroi, le nomma son lion, son sauveur et son roi. Mais, lorsque bien repu de sang et de louanges, jaloux de secouer les restes de sa fange, le monstre à son réveil voulut faire le beau, quand, ouvrant son œil jaune et remuant sa peau, le crin dur, il voulut, comme l'antique athlète, sur son col musculeux dresser toute sa tête, lorsqu'enfin il voulut, le front échevelé, rugir en souverain, il était muselé. Fin du poème, enregistré par Mika. Cet enregistrement fait partie du domaine public.